matin encore la pluie a arrosé le monde. Un homme rasé nomade et son réveil au parapluie. Son rêve l'éveil est pas qu'un pli. Sur son lit au drap usé, sur son lit une trahison. Fait divers et pas qu'un peu. Ses croissants n'ont de lunaire que la forme qui lui indique de se coucher le lundi. Dormir pour attendre la lumière. Dehors le temps passe goutte à goutte sur ses voitures grisées. Par brise ou cœur brisé, la prise n'éloigne pas le doute. En fait cet homme c'est n'importe qui d'entre nous. Un type inquiet du taf de sa vie et de son ventre mou. C'est en marchant sur la route qu'il a pris un nouveau réveil. Une voiture à pleine vitesse, la musique dans les oreilles. Des idées par milliers qui couperont court au monotone.